par ton charme et tout ce qui suit. Nakamura est tout oui. Pas de mal à l'aise ce soir, je veux tout savoir. Les autres me parlent, je ne calcule pas. C'est toi que je veux, je ne calcule pas. Pas avant ça, je pas de polygame. Je parle en direct, ne me mélange pas. Suis-moi, bébé, bébé. Suis-moi, bébé, bébé. Suis-moi. Ensemble, ma tête est faux, je succombe. Malgré, y'a rien d'intéressant dans ma life. Si tu me laisses en solo, moi je calme. Moi, tu fais des dégâts. Je sais que tu me kiffes comme ça. Arrête, arrête-moi ça. Tu connais mes débats. Je te parle en français, je parle de polygame. Je te parle en direct, ne me mélange pas. Suis-moi, bébé, bébé. Suis-moi, bébé, bébé. Suis-moi. Bafé, Acadine, Bafé, Acadine.